Ça va mieux? T'as tout cassé? Ah, c'était joli. Hein. La basse, je peux pas te le faire à la basse, c'est pour la guitare. C'était joli. Je suis, hein. Ça m'a induit en erreur le métronome. Pas mal ça. Thank you. Thank you.